Mais pas bêche la tissue. Lui mette un cri d'appel à maman. Pour nous avoir voté ma pied. Il y a au soir m'dormi. Rat la mort de moi dans pied. Où était ma terre à maman? Pour nous avoir dormi soir. Plastique la maman, ou à ta saga de moi dans vitrine, à ta dévorer moi maman, bon gage la tine à tichou, bon zorie plastique la maman, ou à ta saga de moi dans vitrine. Ferme toutou, mère à ta, passe à tomber, mère à ta, où était ma terre, mère à ta, mettez ma l'air, mère à ta, rate la mode moi, mère à ta, où était ma terre, mère à ta, mettez ma l'air. Dormi, la mère à qui besoin sorti, à ta fondé dans pied, il passe à mettre souliers. Où était ma terre? Mettez ma lèvre, on t'a pas dormi, maman. Mais oui, maman, oui. En oui, en oui, à ta fondé. Thank you. Raton. Allons rato. Raton. Allons rato. Mes endormis passent à dormir. Allons rato. Où était ma terre? Mettez-moi la bombe. Allons rato. Où était ma terre? Mettez-moi la bombe. Capable dormir, maman. Mais la table, on va pas me dormir. Mais la table.